contexte de préparation du point de parole. Bon, évidemment, je ne peux pas contester les faits, si on fait des élections, et si on n'en fait pas, on en fait au milieu, on dit que je ne peux pas contester ça. C'est de la tête. Maintenant, il se passe que, justement, pourquoi on trouve que dans ce milieu universitaire, on n'a pas d'égalité que, du coup, les grandes écoles n'ont pas. Parce qu'il y a une liberté de pensée, qui est... C'est-à-dire qu'on sait très bien que le problème, et d'ailleurs c'est pas tant les grandes écoles que les classes prépa, c'est qu'au contraire ça formate. Bon, et que donc on peut très bien imaginer que si on avait des bacheliers mieux formés, il y en aurait beaucoup qui choisiraient l'université par goût, de nouveau, comme ils l'ont fait pendant des années, et le fait qu'ils soient nombreux, c'est un problème de décision politique d'avoir un taux d'encadrement suffisant, mais c'est pas leur nombre en soi. Hein, le fait qu'on leur dit bah, il suffit d'avoir le bac, mais maintenant on restaure le bac dans sa fonction de garantie qu'ils vont profiter d'un enseignement supérieur, leur nombre n'est pas nécessairement la condamnation de l'université. C'est-à-dire que vous avez une politique qui me semble simplement une politique malthusienne, à savoir, même si on augmente le niveau du bac, je ne veux pas avoir 80%.